Mama. Mama. Samedi soir, j'étais chanter chez mes amis cadiens. Je commençais à m'ennuyer chez nous seuls dans mon coin. Du Havre aux îles de la Madeleine, y en a un peu partout. Je suis passé par Caraquette, aller jouer un petit coup tous les samedis soirs. En Acadie, ça chante, conter mon histoire. J'en ai jusqu'à dimanche, il fait beau à soir. Sous le ciel qui danse, et soudain on entend un cri monter jusqu'à l'an. Je regardais la mer, et au bout à l'infini, je voyais ses lumières. Et si j'écoutais un peu, j'entendais quelques sons. Je voulais aller voir là-bas et chanter ma chanson tous les samedis soirs. En Acadie, ça chante, conter mon histoire. J'en ai jusqu'à dimanche, il fait beau à soir. Sous le ciel qui danse, et soudain on entend un cri monter jusqu'à l'anse. Y'a un million de descendants d'Acadiens par chez nous. Pas étonnant qu'aujourd'hui on fait le party tout. Zachary 1755 sur moi m'accompagnait. Aller chanter au bout du monde les sons que j'entendais tous les samedis soirs. En Acadie, ça chante, conter mon histoire. J'en ai jusqu'à dimanche, il fait beau à soir. Sous le ciel qui danse, et soudain on entend. Monter jusqu'à l'anse. Maman.